الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc juste pour compléter rapidement ce qu'on a dit hier, donc on est arrivé vis-à-vis de l'Irtiqad al-Sunna wa al-Jama'a, donc le dogme des gens de la Sunna et du consensus, c'est qu'ils prêtent fortement attention et donnent de l'importance aux piliers de l'islam. Donc on avait mentionné la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il aime la prière, qu'il a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de prier 50 prières par jour. Et si réellement on devait prier 50 prières par jour, donc on aurait à prier donc une prière après l'autre, tous les mois de 30 minutes. Tous les mois de 30 minutes. Imaginez-vous, Adhan, Iqama, Salat, l'Afkar, et on prie celle d'après. Afin que tu restes que à adorer Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah a dit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc en réalité, ta vie complète, c'est l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a bien sûr donc allégé ceci et nous a en plus augmenté en récompense. Et la prière, c'est aussi le moyen de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu as des difficultés. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était trop râteau, aïn, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons. Si quelque chose les affligeait, ils s'empressaient à la mosquée et priaient, revenaient vers Allah subhanahu wa ta'ala et priaient. C'est cette prière qui apaisait leur cœur. Cette prière, en réalité, elle venait donc à apaiser leur cœur. Et on voit que la prière, c'est la seule qui ne se délaisse pas. C'est la seule qui ne se délaisse pas, quoi qu'il en soit. Tant que tu n'as pas perdu la raison, tant que tu ne dors pas, la prière ne se délaisse pas. Quoi que tu fasses, la prière, elle se fait. Maintenant, si quelqu'un était malade, il peut donc ne pas jeûner, par exemple. Mais il ne peut pas prier. Même s'il était dans son lit, il pourra prier, même s'il le faut avec les gestes. D'où l'importance de la prière. Et bien sûr, donc, c'est la meilleure adoration, c'est la première adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, va questionner les personnes vis-à-vis des actes. Donc le premier acte dont tu vas être questionné, c'est la prière. Et le premier acte dont les gens vont être questionnés vis-à-vis des liens entre les gens, c'est le sang. C'est le fait de faire couler le sang. Et aussi, donc après la prière, bien sûr, donc, il y a la zakat. Donc la zakat qui est en réalité donc l'aumône, le fait d'économiser une somme, donc l'équivalent de 85 grammes d'or minimum, et qui est resté donc c'est-à-dire économisé pendant un an. Il faut qu'il y ait un haul, un an. Lorsqu'on parle d'une année, ce n'est pas du 1er janvier au 1er janvier, mais ça serait plutôt du 1er ramadan ou bien du 1er shawal, el-muhim, peu importe la date. Donc c'est le mois lunaire. Et c'est pas le mois, donc c'est une année lunaire, et ce n'est pas une année solaire. Donc le fait de payer donc la zakat, ça c'est en vérité d'être bon envers la personne. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la subsistance et tu vas purifier tes biens, tu vas donc protéger tes biens dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en payant cette aumône légale et donc qui est due à des catégories de personnes bien précises. Et ce n'est pas comme on l'a dit déjà auparavant, ce n'est pas pour des centres islamiques ou quoi. Pour refaire la moquette, ou pour refaire des piliers, ou pour avoir un beau lustre dans la mosquée, c'est pas ça. C'est pour des gens qui en ont besoin. Donc ça c'est la zakat, ça c'est la meilleure adoration que tu puisses faire vis-à-vis des gens. Et après cela, donc bien sûr, donc le jeûne du mois du ramadan, et on sait que parmi les bienfaits, c'est le fait d'atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi aussi d'être entraîné à patienter. D'être entraîné à patienter et en vérité à repousser un peu ce qu'il y a de la vie d'ici-bas. Et on sait que la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Il a dit que la vie d'ici-bas était maudite, sauf le savant et celui qui apprend. Donc le savant est celui qui apprend. Donc en vérité, sauf la science, bien sûr, et ce qui découle de cette science-là, ce qui va découler de cette science est le savant et celui qui va apprendre. Et donc tout est maudit. Donc la plus belle voiture, la plus belle villa auprès d'Allah Azza wa Jal, elle ne vaut rien. Tu peux avoir ce que tu veux, si tu remercies pas Allah Azzawajal, c'est comme si tu n'avais rien eu. Et aussi, donc après le jeûne, donc bien sûr, il y a aussi, donc on a parlé du... Donc bien sûr, les piliers, donc on n'est pas parlé par rapport à la shahada, parce qu'on avait déjà parlé hier, et après on termine avec le hajj. Donc le fait de revenir à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à Mecca, hein, donc le hajj, qui veut dire en vérité, « al-qas », « al-niya ». Le hajj dans la langue arabe, ça veut dire « al-qas ». Ou « al-qas du », du ma'na « al-niya », l'intention. L'intention, en vérité, de faire le hajj dans la maison sacrée d'Allah azza wa jal. Dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est obligatoire pour celui qui en a les moyens. Donc c'est pour celui qui en a les moyens. Non. Donc ça c'est de façon générale. Et après, bien sûr, il y a encore énormément de dogmes, de choses à savoir par rapport aux gens de la sunna et du consensus qui cherchent à unir le groupe, c'est-à-dire avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'obéir à lui-même. Donc lui-même reste obéi tant qu'il nous demande d'obéir à Allah azza wa jal. On ne va pas obéir lorsque, s'il nous demande de désobéir à Allah Azzawajal, toujours sans sortir contre lui, car le prophète s'en a dit, même s'il te frappe le dos, et même s'il te prend tes sous, s'il te prend tes biens, qu'il te tape le dos. Et il n'y a pas de doute qu'un gouverneur qui prendrait les biens des gens et qui frapperait les gens, on sait que frapper le dos, ça peut arriver à la mort, donc c'est un tyran. Et malgré c'est un tyran, on obéit. On a eu des exemples dans l'histoire de l'islam vis-à-vis de cela. Et aussi, on a eu des exemples du mauvais comportement des Khawarij et leur fin, et leur mauvaise fin. Et ce que Allah Azzawajal, justement, leur donne comme sort. Les Khawarij n'ont jamais réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, à la Kulhel. Et aussi, parmi les dogmes, le dogme des gens de la Sunna et du consensus, c'est que dans la Dawa, ils reviennent à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc d'enseigner avec clairvoyance, à la basiratine. Hein, donc c'est adru ilallah et à la basira, yani à la ilm. C'est d'enseigner avec la religion d'Allah Azza wa Jal, avec science et pas avec ignorance. Combien de gens appellent les gens à l'islam avec ignorance, ils commettent des dégâts. Et la première dawa à faire, c'est faire comme les envoyés d'Allah Azza wa Jal ont fait. Donc appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Et lorsqu'il a envoyé aussi les compagnons, que ce soit Mus'ab ibn Umar, ou bien Huzaifa ibn Yama, ou bien Ali ibn Abi Talib, ou bien d'autres, tous ceux qu'il a envoyé, il leur a toujours dit de quoi, que la première chose dont tu vas le rappeler, c'est justement d'attester qu'il n'y a nulle divinité sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils ont compris cela, donc ils ont en vérité fermement compris cela, donc tu passes à la prière et tu passes à ceci, tu passes à cela. Voici en vérité la façon de faire, quoi qu'il en soit. Mais sûr, tu vas avec la dawa, tu vas en vérité savoir qui est en face de toi. Donc savoir qui est en face de toi. Tu ne vas pas parler à un grand responsable politique ou quoi, comme si tu parlerais par exemple à un jeune de quartier. Il y aura une différence. Mais tu vas quand même parler du tawhid. Tu dois quand même parler parce que c'est ça. Parce que tant que la personne n'aura pas accepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré sans associé, il ne pourra pas comprendre. Il va ne parle pas avec lui sur l'histoire du hijab. Ne parle pas avec lui sur certains détails. Donc en vérité, tant qu'il n'a pas compris le début, il ne peut pas comprendre ce résultat. C'est un résultat, et ce résultat-là, il n'est venu que après avoir compris le reste. Donc si tu lui mentionnes le résultat, tant que lui, l'amour d'Allah n'est pas entré dans son cœur, la crainte d'Allah n'est pas entrée dans son cœur, l'espérance en Allah n'est pas entrée dans son cœur, il ne peut pas arriver en vérité à comprendre ce que tu fais. Si on lui dit que le hijab, c'est en vérité de l'esclavage de la femme, il va bien sûr, donc ils vont rester avec cette idée-là, tant qu'en vérité, ils n'ont pas compris en vérité l'essence du message. Et ça, c'est pour la dawa. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il a bien mentionné vis-à-vis de quelqu'un qui a appelé les gens donc au soufisme. Alors ces gens-là tuaient les gens. Ils voulaient leur bien. Et il les a appelés à quoi? À danser. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, donc ils ont dit que c'était un chirurgien. Cheikh Ibn Taymiyyah a répondu que si c'était un savant, il n'aurait pas fait ça. Donc je n'ai pas de science. Et ça se voit qu'il est ignorant de la dawa des envoyés d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a appelé à autre chose que ce que, malgré qu'ils ont arrêté ça, mais ils ont ramené à ce qui est pire. Parce que le fait de faire des bid'ah, le fait d'adorer Allah azza wa jal, donc avec des innovations, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, donc c'est encore pire que ce qu'il faisait, le fait de tuer les gens. Le fait en vérité de commettre de graves péchés. Donc vous voyez qu'en vérité la dawa, elle n'a pas de... On ne l'invente pas. La dawa, on ne l'invente pas. et on ne le dit pas comme les gens font, bon, pour l'instant on reste, on leur parle que de ça, et plus tard on va leur, comme le font donc les frères musulmans à l'heure actuelle, spécialement donc JMF, lorsqu'on le dit, mais on n'apprend rien avec vous, vous nous faites que chanter, que ceci, que cela, mais c'est parce que c'est les débuts, mais plus tard on mettra, et jusqu'à maintenant ils n'ont toujours pas fait, vous voyez comment ils savent qu'en vérité ils sont dans l'égarement, sinon ils ne diraient pas ça. Parce que s'ils disaient non, ça c'est la bonne méthode, quand tu es sûr, tu dis c'est la bonne méthode, tu ne dis pas, plus tard on va changer. Ça prouve que tu as quelque chose derrière dans ton cœur, tu vois, en vérité, donc tu sais que ce que tu fais, c'est mauvais, et tu sais que ce que tu fais est faux. Mais simplement, tu attires les gens dans n'importe quoi. Et tu amènes les gens, en vérité, à les éloigner de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à ne rien comprendre de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est réglée. Et aussi, les gens de la sunna du consensus vis-à-vis direct, toujours, donc vis-à-vis d'un sujet religieux, s'ils vont parler du jeûne, ils vont prendre tous les textes. Ils vont prendre les textes du Coran et de la sunna, tous les textes. Et après, à partir de ça, ils vont statuer ce qui est obligatoire à faire, ce qui est sunna à faire, ce qui est légiféré, ce qui n'est pas, ce qui est muharram. Et ils ne vont pas décider de rendre quelque chose de halal, et après ils vont essayer de trouver une preuve qui va en vérité arranger ce qu'il y a dans leur cœur. Ça ne se passe pas comme ça. Donc eux, ils attaquent les dunes. Donc les gens de la bida, ils vont attaquer le fumaïr stadilun. Ils ont une conviction, et après ils recherchent un dalil qui va les arranger. Donc ils vont prendre les mutashabih. Alors que ce sont les mutashabih, hein, ni le kitab, ni l'ayat, ce ne sont pas en vérité donc les versets qui sont ambigus, ce ne sont pas les bases des versets. Parce qu'Allah, lorsqu'il parle de l'ayat muhkamat, il dit bien Hunna umul kitab, Hunna umul kitab. Ce sont elles les bases du livre, les mères du livre, dans le sens, c'est par elles qu'il faut d'abord commencer. Et après, il y aura des versets ambigus, et ne le connaissent en vérité que plusieurs ceux qui ont de la science, les savants. Et ceux qui ont quelque chose dans leur cœur, ils suivent justement ce qui est en vérité ambigu. Tandis que les gens de la sunna du consensus, ils prennent tout dans, c'est-à-dire tous les textes, afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'adorent pas Allah Jal juste en prenant un verset et en délaissant les autres. On ne va pas dire Fawailun Musallin. On ne va pas s'arrêter à ce verset-là. Malheur à ceux qui prient. Alors ne vous dites pas qu'il ne faut pas prier. Si on prenait que ce verset, on dirait non, qu'il ne faut pas prier. Malheur à ceux qui prient. Mais on continue, on termine. Quelle catégorie de personnes qui prient? Ceux qui prient en vérité, donc avant ou après l'heure. Et qui donc ils jouent en vérité avec leur prière. Donc on ne parle pas de ceux qui prient de la meilleure façon, car Allah Azzawajal justement ordonne la prière énormément et vante ceux qui prient comme il le faut. Hein, lorsqu'il dit Qad aflaha al-mu'minun, il commence par justement les croyants, il dit bien comment ils sont. Ils sont en vérité, donc ils sont humbles, ou ils sont recueillis dans leur prière. Et aussi, parmi toujours donc, le dogme des gens de la sunna et du consensus, c'est qu'ils reconnaissent que le paradis est véridique, l'enfer est véridique, ils sont déjà créés, et chacun à Kul Hel va bien sûr avoir ce qu'il mérite. Ils savent bien que celui donc, qui est mort, alors qu'il est mort en tant que mécréant, ou en tant qu'hypocrite, ou en tant que polythéiste, il se retrouvera donc en enfer. Et celui qui meurt en tant que musulman, et qu'il a commis, donc il a commis des mauvaises actions, on a peur pour lui. Mais simplement, son compte est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a commis, qui a fait du bien, donc celui qui a fait du bien, lui, on espère pour lui le bien. Et on espère à Kulli Hal pour lui donc le bien. Car les musulmans sont divisés en trois. Il y a ceux qui sont valimul nafsi, donc qui a commis du tort envers lui-même, dans le sens où ce musulman-là a des péchés a plus de péchés que de bonnes actions. Donc il est valimul nafsi. Il y a celui qui est muqtasid. Donc celui qui en vérité, qui a des bonnes et de mauvaises actions, donc il jongle entre les deux. Et donc c'est à peu près équivalent. Et il y a celui qui est sabiqun bil khayrat, celui qui en vérité, qui s'empresse à faire le bien. Et ceux-là, bien sûr, sont les compagnons. C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il parle de ce verset-là, il dit bi'idnillah, hein, avec la miséricorde, avec quoi? Avec la permission d'Allah. Afin que vous sachiez que c'est pas par rapport à la permission si on fait du bien, c'est avec la permission d'Allah. C'est pour que les gens redescendent au niveau, savoir que ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, donc il y a, comme on voit, donc ces trois catégories de personnes. Et Allah Azzawajal a spécifié cette communauté aussi, qu'ils pourront faire partie des sabiqun bil khayrat, alors qu'aucune communauté avant la communauté de Mohammed Sassam a pu atteindre ce niveau. Même par les compagnons des prophètes comme Isa ou comme Moussa, ils ont pu arriver au niveau des sabiqun bil khayrat. Ils étaient muqtasidoun. Comme Allah mentionne ces deux catégories, ces communautés dans le Coran, et dit qu'ils sont muqtasidoun. Et Allah a donné à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission en vérité d'être sabiqun bil khairat. Oulaika yusalun bil khairat. Fastabiqun bil khairat. Allah il nous demande justement en vérité de s'empresser à faire les biens, tout type de biens. Donc ça, ça c'est de généralement vis-à-vis du dogme, donc des gens de la sunna et du consensus. Bien sûr, lorsqu'on parle aussi du paradis de l'enfer, hein, et ce qu'il y a à l'intérieur comme délice, ils y croient fermement. Ils savent que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas vu, ni l'œil ne l'a vu, ni l'oreille ne l'a entendu, ni en vérité une main ne l'a touché, et aussi ni le cœur, en vérité nulle pensée de cœur a pu en vérité comprendre cela. Donc le paradis n'a traversé aucun cœur, le cœur d'aucun d'entre nous. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer le paradis. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que dire en vérité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il croit aussi au mizan. Il croit aussi qu'il y aura une balance. Contrairement au khawarij, contrairement aussi au mu'tazila. Ils disent qu'il n'y a pas de balance. C'est au paradis ou en enfer. Donc il n'y a pas besoin de balance. C'est simple, c'est rapide. Kafir ou bien muslim, khalas, c'est un mot d'or chez eux. Le fait qu'ils disent que la foi ne monte pas et ne descend pas. Elle monte par les bonnes œuvres et elle descend par vis-à-vis donc des péchés que la personne commet. Et eux non, ils voient que c'est en un seul bloc. La foi, c'est un seul bloc. Il n'y a pas de répartition. Alors que le Nabi Sami avait dit qu'en vérité, la foi, c'est entre 63 et 69 ou bien 73 et 79 parties. La plus haute, c'est l'aïe d'Allah. Et la plus basse, c'est le fait en vérité donc de retirer ce qui est mal en vérité du justement ce qui va gêner sur la voie, ce qui va en réalité donc gêner sur la voie. Et lorsqu'il croit aussi au mizan, il croit aussi donc qu'il y a un hif, donc qu'il y a le hisab, quel mizan et quel haud, et qu'il y a aussi ce bassin dont vont boire en vérité ceux qui sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont décidé de l'obéir, et ils vont croire aussi à l'intercession. L'intercession en vérité donc qui se fait en vérité dans la vie, dans l'au-delà. L'intercession qui se fait dans celui qui se fait dans l'au-delà. Donc la grande intercession par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par donc les anges, ou les personnes pieuses, ou le Coran, ou bien sur les axes, ou bien les enfants. L'intercession qui va t'amener au paradis sans compte et sans donc les hisab ou la azab, sans compte et sans châtiment, ou le fait d'entrer au paradis, mais lorsque tu entres au paradis, tu vas être élevé en degré, et aussi le fait en réalité de ne pas entrer en enfer du tout, alors que la personne devait entrer en enfer un certain temps, ou bien aussi que le temps en enfer soit en vérité diminué, que le temps en réalité en enfer il soit donc diminué. L'intercession qui existe dans la vie d'ici-bas, c'est l'intercession par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'intercession de tes œuvres pis, alors que tu vas donc walillah al-asma al-husna fad'uhu biha. Donc le fait qu'Allah a le bon nom, donc invoquez-le avec ces noms-là. Allah subhanahu wa ta'ala te demande, et on le voit bien dans Fatihatul Kitab, ou bien d'autres invocations comme Sayyid al-Istighfar ou autres encore, ainsi que le fait d'invoquer, donc de passer donc l'intercession, de demander à Allah Azzal vis-à-vis de tes actes pis, toujours dans le Fatiha, Iyakan Abudu wa Iyakan Astaghfir, et juste après, Ihdina Salata Mustaqim, donc tu as montré que tu adores Allah Azzal, donc comme tu adores, donc tu peux invoquer. Et la même chose des trois qui se sont retrouvés dans la grotte, et autres encore, d'autres invocations encore. Ainsi que de demander aussi à une personne pieuse, existante, qui a entendu et qui est capable de le faire. Donc il faut qu'elle soit pieuse, il faut qu'elle existe, qu'elle soit pas morte, il faut qu'elle entende ce que tu veux, donc elle est proche de toi et qu'elle est capable de ce que tu fais. Tu demandes à la personne de t'aider, de demander à leurs agents pour toi, comme ils ont fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invoqué sallallahu alayhi wa sallam pour que la pluie tombe le jour de vendredi, et le vendredi d'après aussi l'invoquer pour que la pluie soit en vérité dans les champs, mais pas autour des maisons. Et ils ont continué avec l'Abbas. Ils ont continué donc avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de respecter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours les gens de la sunna et du consensus, donc, toujours par rapport à la famille du prophète, ils honorent la famille du prophète, car c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a recommandé sa famille, trois fois. Il nous a recommandé sa famille. Hein, trois fois, donc on doit respecter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont une place noble, du fait que c'est une lignée qui est noble. Et bien sûr, si il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il désobéit à Allah azza wa jal, ça ne va rien changer pour lui. Car celui dont les actes, donc en vérité celui dont les actes sont faibles, c'est pas parce qu'il fait partie d'une lignée noble que ça veut dire que ses actes vont lui accélérer les choses. Au contraire. Et aussi donc il faut respecter, donc ne pas faire comme ils ont fait en vérité, donc Shia, ils ont commencé à honorer donc ils ont exagéré dans le fait d'honorer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils en ont fait donc pour certains d'entre eux des divinités, comme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, par exemple. Donc le roulette parmi eux, ils voient que Ali c'est Allah, donc ils voient que c'est le prophète, et d'autres voient que c'est le prophète, voient que c'est le Dieu. C'est pour ça que même lorsqu'il les a cramés parmi eux, donc lorsqu'il les a brûlés avec le feu, ils ont dit, pour eux c'est encore une plus grande preuve, ne brûle avec le feu que le Dieu du feu, par exemple. Et aussi, donc voici comment, et aussi par rapport aux compagnons du prophète, on va aussi savoir que ce sont des hommes et qu'ils ont, donc ils ont une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Zajel donc les a mentionnés, et on sait qu'ils sont tous au paradis, qu'ils sont tous au paradis, et on va se taire sur ce qu'ils ont fait comme donc les histoires qu'il y a eu entre eux, donc dans l'an 35, 36, 37, donc Siffin, donc Jamal et le Nahrawan, et Siffin, donc Jamal et Siffin, on va donc se taire par rapport à ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah. On va, si on connaît les raisons, on connaît les raisons chari, ça nous suffit, et c'est pour les défendre, car ils ont été, et on ne va pas maudire qui que ce soit d'entre eux, ce sont tous des croyants, et ils sont tous donc, auprès du prophète, ça seront sur eux les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'au-delà, et aussi au paradis. Et de, en vérité, d'avoir donc la ferme conviction qu'ils sont, bien sûr, que comme quoi ils sont tous au paradis. Et ne pas en vérité les rendre mécréants comme on fait le Khawarij et comme aussi on fait donc Shia, car ils ont des liens. Entre Shia et le Khawarij, il y a énormément de liens. Car le Khawarij, le Shia, ils voient qu'il faut donc respecter que les 12 imams. Donc il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de djihad. Et en vérité, ils ont pris de eux l'imam. Donc en vérité, le Khawarij, ils ont pris de eux. Et l'imam, donc se fait de la même façon que eux, de façon générale. Ils ont beaucoup de liens. C'est le Khawarij, c'est Shia qu'ils ont en vérité insufflé à le Khawarij par rapport à ce qu'ils font vis-à-vis de l'imam. Vis-à-vis en vérité de l'imam. Il n'y a pas que eux, les frères musulmans et autres. Ils ont en vérité, ils ont en réalité donc des liens. Et on continue la même chose. On sait très bien qu'on a alhamdulillah, donc des savants qui nous ont expliqué, toujours à Kulhan, donc cet islam, le Coran et la Sunna, à la fin, donc avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et tant que les gens vont en vérité avoir ce genre de dogme, ce genre de croyance, ils seront en vérité bien. Ils seront bien tant qu'ils auront en vérité donc ce dogme. Et c'est souvent là où on retrouve en vérité les divergences. Là où on trouve les divergences. Là où sont nées donc les bases des sectes, comme le Khawarij, hein, comme le Qadariya, comme le Murjiya, comme le Shia. Donc on voit que les bases des sectes viennent en général de ces parties-là. Et c'est pour ça que ce sont les premières. C'est pour cela que ce sont les premières sectes. Donc, on a terminé par rapport à cela. Et on revient à notre livre. Donc, Fariyat Salihin min Kalam et Sayyid al-Mursalin, Bab al-Muraqaba. Donc, chapitre de la surveillance. Allah Azza wa Jalla, en vérité, il est aux aguets. Donc, il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Wa huwa al-Latif al-Khabir. Wa al-Latif al-Khabir. Donc, il est Khabir, il est au courant de toutes choses. Et le latif, c'est encore plus précis. C'est en réalité, il est encore, bien sûr, plus précis. Et souvent, les versets qui mentionnent justement le fait qu'il est le latif, qu'il est le khabir, vous verrez donc qu'il y a une noirceur de Luqman dans son fils, et vous verrez aussi donc par rapport justement à comment Allah Azza justement voit les gens. Donc il sait exactement même ce qu'il y a en vérité dans les cœurs. Et c'est bien fort. Si vous voyez l'explication des savants hein, par rapport à ces deux noms, et vous allez voir en vérité ce que cela veut dire. Allah dit donc ici, Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubak fi sajidin. Donc Allah dit, celui qui te voit lorsque tu te lèves. Yani salat, yani pour la prière. Il te voit lorsque tu te lèves pour la prière. Et donc tes gestes que tu fais, hein, c'est-à-dire par rapport à ceux qui prient, par rapport à ceux qui font sujoud. Comme quoi, parce que Nabi, c'est lui lui-même. C'est lui qui fait l'imam. Donc il gesticule et ceux qui sont après lui, ils font la même chose. Donc Allah, il montre bien ici qu'il est en train de te regarder. Comme quoi il voit ce que tu fais, il voit ce que les gens font. Il mentionne aussi le fait de les voir ou dans un acte, dans les meilleurs actes. Allah Azzajal, il voit. Et quand tu penses à ça, tu sais que donc tu vas le craindre. Tu vas en vérité mieux l'adorer, tu vas mieux en vérité te prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a mentionné le fait qu'il les voit dans les meilleurs moments. Il va avoir été mentionné donc, lorsqu'il les voit, dans en vérité dans le sujoud, lorsqu'il est proche de eux, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Et il est avec vous là où que vous soyez. Et bien sûr, ils vont jouer avec ce genre de verset, ceux qui ont en vérité des problèmes. Parce que ici, ma'akum, eux, ils vont dire, vous avez vu le verset, ceux qui ont des problèmes, ceux qui prennent en vérité les versets qui sont ambigus. Il y a des versets clairs qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est fils de sa main. Hein? Ar-Rahman, al-Arsh istawa. Donc cela est clair. Et d'autres versets, Alors je le dis bien, lorsqu'il parle de tout leur Coran, Tanzil, donc lorsqu'il descend les versets, il dit bien, il est Yashadou El Kerem Tayyib, vers lui monte la bonne parole. Amin Toumen Fissama. Et tout plein de versets, beaucoup de versets qu'on retrouve. Aussi Walladina Indahu. Et ceux qui sont auprès de lui. Donc si Allah était partout, Allah n'y aurait pas besoin de dire ceux qui sont auprès de lui. Parce que si Allah est partout, donc tout est auprès d'Allah. Lorsqu'il parle des anges, Walladina Indahu. Et ceux qui sont auprès de lui. Ça voudrait dire que c'est pas possible qu'il y a des gens qui. Donc on comprend qu'il y a des gens qui sont auprès, il y a des gens qui sont loin. Mais Allah Zalil dit bien, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Lorsqu'Allah Zalil dit bien, je suis avec vous, donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Abu Bakr Siddiq, s'il avait dit tout simplement je suis à la côté de vous, et qu'on comprend que ça vous est à la côté, il n'y aurait pas besoin de mentionner j'entends et je vois. Parce qu'il est à côté, donc ça suffit. Mais j'entends et je vois, c'est pour montrer que je suis loin. Je suis avec vous et j'entends et je vois. Pour vous dire que j'entends tout ce que vous dites et je vois tout ce que vous faites. Malgré qu'en vérité, je ne suis pas à côté de vous. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de mentionner j'entends et je vois. Innani ma'akum asma'u wa ara. Vous voyez ? Donc, ça c'est pour montrer. Et eux, ils prennent un verset ambigu alors qu'il y a des versets qui sont clairs. Parce qu'il y a des versets qui ont une seule interprétation. Et il y a des versets qui ont deux interprétations. On pourrait comprendre ceci et cela. On pourrait comprendre donc qu'il y a l'ihtimal. On pourrait comprendre que ça veut dire qu'il est à côté, qu'il est vraiment à côté, physiquement, ou on pourrait comprendre qu'il est loin. Donc il y en a deux. Mais on a aucun verset qui donne une seule interprétation pour dire qu'il est auprès. Tous les versets qui sont clairs, dans le sens où il n'y a pas d'interprétation, ils veulent tous dire qu'ils ont une seule interprétation, ils veulent tous dire qu'Allah il est au-dessus des cieux, qu'il est loin, qu'il n'est pas à côté de nous, qu'il n'est pas avec nous. Il est ba'in, donc il est en vérité séparé de nous. Vous voyez ? Donc ça, il n'y a pas d'irtilef dessus. Et là où il y a irtilef, où les gens, il n'y a pas d'irtilef en vérité, mais où les gens vont se permettre de parler, c'est là où il y a irtimel. Ça veut dire ceci ou cela. Alors on doit revenir à ce qui est mahkam, à ce qui est en réalité, donc quoi, clair. Ben on revient à ce verset-là, tout simplement. Et on n'a aucun verset ou aucune preuve comme quoi Allah Azzawajal est à côté de nous, ou qu'il n'y aurait pas justement irtimel, ou qu'il n'y aurait pas en vérité de deux interprétations. Là où il y a deux interprétations, on voit qu'ils se servent de ça. Et si on veut revenir, on est obligé de revenir là où il n'y aurait pas d'interprétation, où il n'y aurait qu'une seule interprétation, mais pas dire qu'il lève par rapport à l'interprétation. Pourtant, ils ne reviennent pas dessus. Ils restent avec cela. Et eux, ils n'ont aucun verset qui montre que c'est eux qui ont raison. Vous voyez ? Donc, en vérité, ils ne s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas, en vérité, à s'en sortir. Et c'est donc pour montrer qu'Allah, il voit bien. Donc, je suis avec vous, là où vous soyez. Donc, en vérité, par quoi ? Par ma science. Et par le fait que j'entends tout, et par le fait que je vois tout. C'est ça. Et aussi, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Certes, Allah, donc rien ne lui est caché, donc de ce qu'il y a dans la terre, et donc sur la terre et dans les cieux. Inna rabbaka la bil mirsad. Certes, Allah certes, votre Seigneur ou ton Seigneur est aux aguets. Certes, ton Seigneur est aux aguets. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Il sait en vérité donc ce qu'en vérité tu vois, ce qu'en vérité tu caches, c'est-à-dire comment tu regardes, donc ton regard en vérité qui est furtif, et ce que les poitrines cachent, donc ce que les poitrines en vérité cachent. Donc c'est pour montrer qu'Allah Azzawajal voit tout. Il sait tout et il entend tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait aussi ce que tu caches dans ton cœur. Et parmi les hadiths là, donc bien sûr le hadith Jibril, le grand hadith connu, Jibril, lorsqu'on. Ils disent donc Akhbirni anil ihsan an ta'bud Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Donc tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit, sache que lui te voit. Donc l'ihsan, la bonté, la bienfaisance, elle a deux piliers. Le premier pilier, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et ça c'est al-muraqaba. Ça, c'est al-muraqaba, c'est-à-dire le fait que toi, tu vois Allah. C'est toi, tu vois Allah. Si tu le voyais, tu marcherais droit. Donc, c'est un trop haut niveau. Mais si tu n'as pas atteint ce degré, parce que si tu ne le vois pas, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à atteindre le degré du fait de le voir, comme si tu le voyais en fin de compte, sache que lui te voit. Et ça, c'est justement, donc là, c'est le mushahada, le premier. Mushahada, c'est plus fort que le muraqaba. Le mushahada, c'est comme si tu voyais Allah. Et le muraqaba, sache qu'Allah te voit. Donc, ici, on a al-muraqaba, le fait qu'Allah te voit. Donc sache que lui te voit. Et celui qui a ça perpétuellement, donc en vérité, bien sûr, il s'éloigne en vérité de ce qui est mauvais et il s'empresse en vérité à faire le bien. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a des Mu'adh ibn Jabal, hein, bien sûr, lorsque il envoie faire da'wah, il envoie appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui explique déjà comment il va faire da'wah. Mais en plus de ça, il lui montre le comportement à adopter. Car il lui dit, ittaqillah haythu ma kunt. Crée Allah là où tu es, là où tu sois. Watba sayyat al-hasana tabhuha. Wa kharik al-nasa bi khuluk al-hasana. Donc crée Allah. Et on sait que taqwa, c'est le fait de croire et de ne pas mécroire. D'obéir et de ne pas désobéir. Et d'écouter et de ne pas se détourner. Voici les trois principes vis-à-vis de taqwa. Tu crois et tu ne mécrois pas. Tu obéis et tu ne te détournes pas. Et bien sûr, donc je dis quoi l'autre ? Je dis, tu crois et tu ne mécrois pas. Tu crois et tu ne mécrois pas. Tu obéis et tu ne désobéis pas. Et tu écoutes et tu n'aimes. Tu obéis et tu ne désobéis pas. Et tu écoutes et quoi ? Et tu ne te détournes pas. Voici en vérité ce qu'il y a dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où que tu sois. Là où que tu sois. Donc c'est pas Yom Jum'a Fakat. Hein, comme certains, Yom Jum'a, je ne fais pas de péché. Hein, et j'arrive 40 jours avant le mois du Ramadan, j'arrête l'alcool. Et dès que c'est terminé l'Aïd, je recommence l'alcool. C'est où que tu sois, et même pour tous les temps. Donc tout le temps. Où que tu sois, c'est-à-dire dedans, ici, c'est Hayth Makunt. Où que tu sois, et même en vérité, tout le temps. Et même tout le temps. Et fais suivre les mauvais péchés et les mauvaises actions par des bonnes actions. Car les bonnes actions, elles effacent les péchés. Hein, et le Nabi Sami avait dit comme quoi que les bonnes actions en vérité elles viennent. Hein, donc on sait bien que les bonnes actions elles effacent en vérité les péchés. Et comporte-toi de façon convenable avec les gens. Montre un bon comportement avec les gens. Donc quand tu vas appeler Allah Azza wa Jal, tu vas montrer en vérité la meilleure chose. Et on sait que Hasan al-Khuluq, rien ne lui équivaut dans la balance. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et celui qui a le bon comportement et moi, comme il a dit professeur, c'est comme ceci. Fil Jannah, au paradis, le jour dernier. Ils seront ensemble, ils seront proches. Celui qui a un bon comportement a le niveau de celui qui prie la nuit et de celui qui jeûne le jour. Pourtant, c'est fatigant, et on a bien vu hein, les hasanat qu'il y a dans le fait de jeûner. Hein, on ne connaît pas la récompense, elle est tellement énorme. C'est, la récompense, elle est Allah. Et le comportement, il est tellement fort, regardez ce qu'il est. Tellement en vérité, il est fort. Donc il montre, tu dois appeler Allah Azza wa Jalla la vérité avec un bon comportement. Il n'y a que comme ça que les gens ils vont accepter. Il n'y a que comme ça que les gens vont accepter. On passe dans des villes où des fois des gens, donc au nom de la salafia, ils ont des mauvais comportements. Le premier qui rentre, ils ont après une connue, ils ont des mauvais comportements, ils ne savent pas se comporter avec les gens de la mosquée. Ils ne savent pas se comporter avec des gens qui sont faibles dans leur foi. Que lorsque des autres arrivent, et qui ont des meilleurs comportements qu'eux, et qui veulent donc faire da'wah, ces gens-là en ont peur. Dans les débuts, ils en ont peur. Alhamdulillah, après, ça change. Car ils ont vu en vérité une différence entre les deux catégories de personnes. Vous voyez, cette peur d'où elle vient ? Elle vient à cause de ceux qui ont un mauvais comportement. Elle vient en vérité à cause de ceux qui ne savent pas se comporter. Donc ici, bien sûr, on voit ici, donc, crée Allah là où que tu sois. Comme quoi Allah, donc il commence par ça. Raqib Allah. Ici, en vérité, mais il commence en vérité par Raqib Allah. Commence par, en vérité, à quoi ? À savoir qu'Allah Azza wa Jalla, en vérité, te voit. Et que lorsque tu sais ça, tu fais attention. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, donc il dit, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ô jeune. Le sœur Ibn Abbas, il est intelligent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il est intelligent. Il est jeune. Donc un jeune, lorsqu'on voit qu'il comprend, on peut lui. Donc lui faire comprendre des choses. Parce qu'il comprend, on peut en vérité lui expliquer à un certain niveau. Ihfad Allah, ihfadou. Protège Allah, Allah te protège. Toi, comment tu vas protéger Allah ? Comment en réalité tu vas protéger Allah ? Tu vas protéger Allah, c'est-à-dire en étant assidu en vérité à sa religion. C'est comme ça que tu protèges Allah, c'est-à-dire en vérité. Pratique la religion de façon convenable, Allah te protégera. Y a-t-il meilleur protecteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas meilleur protecteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfadullah, tajidu tujahak. Donc aussi, protège Allah et tu le trouveras en face de toi. Il sera là. Il sera en ta compagnie. il va te protéger, il va t'aider, il va mettre la baraka dans ce que tu vas faire. Idha sa'alta fa'salillah, si tu demandes, demande à Allah. Al-du'a, c'est Allah Azza wa Jal. Al-du'a, demande à Allah Azza wa Jal. Ça c'est déjà par rapport aux choses religieuses. Et même les choses de la vie d'ici-bas. Ne sois pas celui qui demande tout le temps aux gens. Hein, débrouille-toi de toi-même. Et aie confiance en Allah Azza wa Jal. Ta confiance en Allah Azza wa Jal va justement faire que tu vas réussir. Parce que si tu demandes aux gens, c'est comme si en vérité, tout est dans les mains des gens. Alors que tout en réalité est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et il est bien plus généreux que les gens. Que ce que les gens demandent. Hatta les ulama ont dit même sur les choses qui sont mubaha, qui sont permises. Dans le sens, مثلا, on est assis, la bouteille d'eau elle est là. Moi je suis là, lui il est là. Hein, مثلا, on est assis, c'est pas un dars, on est assis comme ça entre eux. Et je dis serment, alors que moi je suis capable de me servir. Même ça, les ulama ont dit que ça, c'est détestable de le faire. Que demande par toi, fais-le par toi-même, parce que tu en es capable. Tu fais tomber tes clés, tu dialogues de les ramasser alors que toi-même tu peux les ramasser. Des choses comme ça. Donc ils ont dit, et parmi eux, je suis en Allah, justement, de ne pas faire ce genre de choses-là. Non, en vérité, de ne pas, c'est-à-dire de ne pas être celui qui est tout le temps en train de demander. Hein, vous savez que la main qui est la plus basse, hein, qui demande, c'est la plus basse, c'est pas la meilleure. La main la plus basse, ce n'est pas la meilleure. Lorsque tu demandes de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de gens on les a cru pour des riches alors qu'ils étaient pauvres, car ils ne demandent rien. Donc en vérité, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache, wa alam, anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Donc sache que la communauté, si elle se rassemble afin qu'elle te soit profitable, elle ne te sera pas profitable que si Allah te l'a écrite. Et aussi, s'ils se rassemblent et se réunissent afin de te nuire, ils ne te nuiront que si Allah te l'a écrit. En quoi que ce soit. Bishin. Donc même la moindre chose. Ils essaient, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Allah ne l'a pas écrit. Ils veulent faire du bien, ça ne marche pas. Parce que Allah ne l'a pas écrit. Combien de fois? Combien de fois c'est déjà arrivé maintenant qu'on veut arriver à un endroit, on n'arrive pas à un endroit à l'heure. Alors qu'on a mis tous les serviettes possibles. Toutes les serviettes possibles. Allah ne l'a pas écrit. Ça, c'est un exemple. Donc si Allah ne l'a pas écrit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux en réalité donc rien faire. Donc tu vois. Donc, Rufat al-Aqlam, les plumes ont été levées. Wajafat al-Suhuf, et les feuillets ont séché. C'est terminé. Tout ça, c'est auprès d'Allah, c'est écrit. Donc rien. Ne va être changé. Et c'est pour ça qu'en vérité, donc ça rentre dans des points très importants de la religion, du dogme, du tawhid, de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. La moitié de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est ici. Lorsque tu demandes, donc demande à Allah Azzajal. Celui qui demande énormément à Allah Azzajal, c'est lui le plus proche. N'est-ce pas que salat al-istikhara, cette salat qui est importante et qui est d'ab salihin. Comme le disent certains, il n'y a que en vérité les salihines qui n'oublient pas de faire ça. C'est souvent, c'est justement parce qu'ils ont leur forte en vérité confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils font cela. Et ici on voit bien, donc protège Allah, Allah te protège. Et il sera près de toi. Alors que tu le sais qu'Allah, hein, il est au-dessus. Mais c'est muraqaba. Pourtant, alors qu'il est loin, mais ce qu'il sait tout, il entend tout. Hein, et il voit tout et il est sage, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'aussi, dans une riwaya, Ihfadillah, tajiduhu amamak. Protège Allah, tu le trouveras devant toi. Ta'arraf ila Allahi fi raha, ya'rifuka fi shidda. Connais Allah, alors que tu es en aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Les gens, quand ils sont dans l'aisance, ils s'imaginent être protégés de tout. Je suis bien dans ma petite dunya, dans mon petit confort, il n'y a pas de maladie, les enfants ils vont bien, ils sont intelligents, tout se passe bien. Et lui, ce qu'il fait après, donc Allah te connaîtra dans la difficulté. Et quand il oublie Allah, et qu'Allah a pris l'épreuve, il lui met des épreuves où on voit que tout est chamboulé dans sa vie, c'est terminé la belle vie, et bien quand il voit, on voit qu'il n'arrive pas à tenir. Il n'arrive pas à tenir parce qu'il n'était pas entraîné déjà. Car tu es entraîné à être proche d'Allah alors que tu étais dans l'aisance, dans la difficulté, Allah il va t'aider et tu vas continuer à être encore à cela. Car tu as déjà la foi forte, tu as été entraîné par rapport à cela. et tu vas continuer en vérité. Allah ne te laisse pas déjà parce que tu étais un proche de lui, tu étais en vérité un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il te facilite en vérité à surmonter donc cette épreuve, à surmonter cette épreuve. Regardez, il dit aussi, donc il dit, Ilam inna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Ilam anna an-nasr ma as-sabr. Sache qu'en vérité la victoire elle est avec la patience. Et on avait déjà vu que par rapport aux prophètes, comment ils étaient. Ils sont éprouvés, ils patientent, ils ont quoi? An-nasr. Voici les trois points en vérité de la vie du musulman. Sache que la victoire elle vient avec la patience. Wa anna al-faraj ma al-karb wa anna ma al-usri al-yusra. Et que la vérité, justement, l'issue de secours, elle est avec hein, le fait que tu sois affligé, et aussi que sache, avec chaque difficulté, il y aura une facilité. Il ne faut pas s'inquiéter, Allah Zalil va t'enlever. Chaque épreuve, elle disparaît un jour ou l'autre. Elle disparaît en vérité un jour ou l'autre. Baboul, taqwa, chapitre de la crainte. Ya yuhaladina amanu ittaqwa haqqa tuqatil. Donc, ô ceux qui ont cru, craignez Allah donc d'une vraie crainte. Et c'est le fait de croire et de ne pas mécroire, d'obéir et de ne pas désobéir, d'écouter et de ne pas se détourner. Voici en vérité les trois points, les trois éléments dans haqqa tuqatil, de sa vraie crainte. Donc, vous voyez, ô ceux qui ont cru, craignez Allah. Donc, c'est un nida. C'est un appel à ceux qui ont la foi. Craignez qui? Allah Azza wa Jal. Comment? En obéissant, en ne désobéissant pas, en croyant, et il ne faut pas être mécréant, et aussi en écoutant, il ne faut pas se détourner. Et Allah Azza wa Jal dit, Tattaqullah mastata'atum. Craignez Allah comme vous le pouvez. C'est-à-dire vis-à-vis des actes recommandés. Tout ce qui a à voir avec les péchés, on les délaisse. Hein? On va en vérité les délaisser. On va délaisser les péchés comme on peut. Si on est forcé, on fait ce qu'on peut. Si maintenant on était forcé, donc à ce moment-là, c'est la ikraha fid din, du contrat en religion. Donc craignez Allah comme vous le pouvez. Et An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que si je vous ai ordonné quelque chose, faites-le. Et si je vous ai interdit quelque chose, donc faites-le comme vous le pouvez. Pourquoi elle dit ça? Si je vous ai ordonné quelque chose, donc faites-le comme vous pouvez. Et si je vous interdis quelque chose, donc délaissez-le. Pourquoi elle dit si comme vous pouvez? Il n'a pas dit délaissez-le comme vous le pouvez. Car les interdits, premièrement, ils sont peu. Il n'y a pas beaucoup d'interdits. C'est pour ça qu'on peut tous les délaisser. Et qu'il y a aussi, quand j'en ai tout ce qui est interdit à l'origine, la nature saine de l'homme n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de fumer, naturellement. On n'a pas besoin de boire, naturellement. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses naturellement. Hein, de commettre l'usure. Et tandis que lorsqu'il dit, faites-le ce que je vous ordonne, donc faites-le comme vous le pouvez, car il y a tellement de sunnah, il y a tellement de bonnes choses à faire, et on ne pourra jamais avoir le niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit, faites-le comme vous le pouvez. Vous voyez la différence entre les deux points-là, donc ce qui est interdit et ce qui est en réalité donc fait. Et ça fait partie de la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yuhalladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Oh, ceux qui ont cru, craignez Allah et dites en vérité des paroles qui sont avenantes. Dites des paroles qui vont être en vérité avenantes. C'est pour ça qu'on demande à l'Azaj al-Sadad qui nous facilite en vérité à dire en vérité des paroles qui sont bonnes, qui sont avenantes. Craignez Allah. Donc ne dites pas n'importe quoi et dites en vérité ce qui est bien à dire. Il y a encore d'autres versets bien sûr qui montrent. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Donc celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue de secours. Et il va lui donner de la subsistance de là où il ne s'y attendait pas. Donc les faux calculs, dangereux là, pour croire que tu vas réussir à avoir un but, c'est haram. Crains Allah Azza wa Jal et ne mens pas pour vendre ta marchandise. Crains Allah Azza wa Jal et ne triche pas pour que tu puisses en vérité arriver à ce que tu vas arriver. Crains Allah et Allah Azza wa Jal va justement te donner une issue de secours de là où tu ne t'y attends pas. Cheikh Al-Hafid Al-Hakami, Rahmatullah Ali, vient le voir, donc le Malik Faisan, Rahmatullah. Il vient voir le Malik. et il lui donne une paye. Il n'y avait pas de paye quand il faisait un problème. Il lui donne un salaire. Bila alaykoum, est-ce qu'un salaire donné par un roi, il s'oublie? Lui, il l'a oublié. Il le rentre dans son livre. Le livre, il est fermé, il est dans la bibliothèque. Il meurt. Il ne pense même pas à ça. Tellement il pense à l'akhira, il est déjà proche, lui, il est déjà avec son akhira. Il n'est pas avec la dunya. Jusqu'à ce que ses enfants, des années plus tard, lorsqu'ils ouvrent, ils retrouvent al-wasiya, al-amr malaki. Ils vont au diwan, donc ils vont là où ils peuvent récupérer l'argent. Ils récupèrent des sommes de quoi acheter une terre. Regardez ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le risque vient. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils ont fait passer une paye, on l'oublie pas. Donc en plus, donné par un roi. Il y a trop d'éléments qu'il faut que tu ne peux pas oublier ça. Mais ils l'ont oublié tellement, c'est rapide. La dunya, c'est rien. Parmi leurs élèves, donc Cheikh Najmi, lorsqu'ils étaient jeunes et les autres, rahmatullah alayhim, ou Hafz al-Ahya minhum, donc lorsqu'ils étaient jeunes, lorsque la première fois qu'en arabique, ils ont décidé de donner des payes. Lorsque c'était la première fois où ils ont décidé de donner des payes. Ils ont passé toute la nuit à ne pas dormir, les jeunes, les tolab al-Ahim, à réfléchir, est-ce que c'est réel de prendre cet argent ou pas? On le prend ou pas? Est-ce que c'est... Donc l'argent était réel. Mais est-ce qu'on, si on le prend, est-ce que ça ne va pas nous gêner dans tolab al-Ahim ou pas? Est-ce que ça ne va pas nous gêner dans tolab al-Ahim ou pas? Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent il vaut mieux aller au Yémen parce qu'au Yémen, il n'y a pas de sous. C'est pas comme la Jamia de Médine ou quoi, il y a une paye. Alors comme si c'était pas Mokhlis. Sachez qu'en Arabie Saoudite, ils sont restés des siècles sans argent. Et regardez ce qu'ils ont sorti. Ils sont restés aussi sans argent. Parce qu'ils disent, regarde, en Arabie Saoudite, ils ont des payes. Sur l'antimine, ceci, cela, ils ont des ceci, ils ont des cela. Mais ces gens-là, même avec ils ont l'argent, ça c'est un fond min Allah subhanahu wa ta'ala, lakin voilà, ils s'en moquent. Cet argent-là ne les touche pas. Au contraire, elle n'a rien, elle les a aidés à faire du plus, du bien, mais elle ne les a pas en vérité fait éloigner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un petit peu, parce qu'il y a des gens qui veulent un peu critiquer, faire croire que c'est facile de travailler en Arabie parce qu'il y a de l'argent. C'est pas vrai. Parce que Talabrim, c'est Tawfiq min Allah Azza wa Jal. Riche ou pas. Comme être riche, non, pas, non, rien à voir que Talabrim. Bien au contraire. Bien en vérité, non au contraire. Et ça, c'est du ulama. Aussi, celui qui fait le shirk, qui s'appelle. Obed el-Afrani, qui enseigne les gens le Coran, lorsqu'il est venu, jeune en Arabie, expulsé, il est revenu, il a enseigné le Coran aux gens. Donc il y avait déjà, dans le sud d'Arabie Saoudite, il a enseigné. Donc il y avait, parmi un de ses élèves, il y avait en vérité un grand gradé, Allahu A'lam général, un grand gradé militaire. Donc dès que tu es un général, c'est-à-dire qu'il n'y a personne entre toi et le roi. T'es directement, t'es au niveau du ministre. Il n'y a personne qui est entre le roi, toi et le roi. Il est venu aussi apprendre chez lui, il a suivi son fils, il a pris Arkham el-Tajwid et tout. Et donc c'est lui qui a intercédé pour que le roi lui fasse les papiers. Il a eu les papiers, donc le shir, et puis après donc il est parti bien sûr enseigner, il a continué, il est venu enseigner à Médine. Donc il avait une petite maison, de rien du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens lui prennent, le ramènent, et le ramènent devant une maison, une grande maison, tire les clés, c'est ta maison. Il n'a rien demandé de tout ça. Mais regardez ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'Allah leur donne. Il leur donne dans les mains alors que eux ils n'ont. L'histoire de Cheikh Nebaz sont encore plus étonnantes. Et les histoires de Cheikh Nebaz, rahmatullah alayhi, elles sont bien plus étonnantes. Et parmi les étonnements, c'est qu'une fois un arabe chrétien, il entend qu'il fait du bien, c'est un chrétien. Il lui donne 1 million, c'est sûrement 1 million de rial. Il lui donne, c'est un grand riche, il lui donne 1 million de rial. Après, alhamdoulilah, on sait qu'il propage à Kulhay cet argent-là hein, à la communauté musulmane, c'est spécialement au Tolab al-Ilm ou à ceux qui ont des difficultés à la Kulhay. Donc ceux qui craignent Allah, c'est la dunya qui vient à eux. Et on a bien vu que c'est ça en général, ceux qui craignent Allah, hein, c'est pas, ils ne courent pas après la dunya. Celui qui court après la dunya elle fuit. Il n'arrive pas à l'attraper. Mais celui qui délaisse la dunya qui vient à lui. C'est comme ça. Et ça, c'est min indillah subhanahu wa ta'ala. Car il craint Allah, quand Allah lui donne en vérité min haythu, la yahtasib. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à cela. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, donc lorsqu'ils ont posé la question, Ya Rasulallah, men akramun nes, ou envoyé d'Allah, quelle est la personne la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qal atqahum. Il a dit donc celui qui est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, taqalu laysa an hada nas'aluk. On ne te pose pas la question par rapport à cela. Qala Yusuf ibn Allah, ibn Nabi Allah, ibn Khalil Allah. Après, donc, il a dit Youssouf, enfin Youssouf, donc c'est Youssouf le plus noble auprès d'Allah. Fils du Saint, donc de l'envoyé d'Allah, fils de l'envoyé d'Allah, fils de l'ami, l'ami intime d'Allah, c'est-à-dire Ibrahim, alayhi salatu wassalam. On ne te pose pas la question auprès de ça. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit lui. Alors que c'est lui, atqahum. Regardez, tawadu min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas lui. Il dit qu'al fa'an ma'adin al-arab, nas'aluk. On ne te pose la question ici, nas'aluk. Non, c'est plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit fa'an ma'adin al-arab, tas'aluni. Est-ce que vous me posez la question donc, vis-à-vis des Arabes? Il a dit khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam. Il a faqhu. Il dit que les meilleurs d'entre eux dans la jahiliya, ce sont les meilleurs dans l'islam si en vérité ils ont compris. Si en réalité ils ont la compréhension, s'ils ont l'ilm. Il a faqhu, s'ils ont en réalité ils ont compris. Et c'est pas, hein, comme certains le font croire, que le plus voyé dans l'islam c'est lui qui sera le meilleur dans la jahiliya. Parce qu'il n'était pas khiyar, il n'était pas le meilleur dans la jahiliya parce que c'était un gros voyou. Les gens, ils le trafiquent. Ça ne veut pas dire que le pire dans la djihadia, il sera le meilleur dans l'islam. Ça ne veut pas dire ça. Il était déjà dans la djihadia, mais il avait déjà des bons comportements, ça veut dire. Khiyaluhum, fil djihadia. Parce que le khayl, il ne peut pas être dans le char. Le khayl, il ne peut pas être mahsoum fil char. Donc, voyez un peu comment utilise Jamaat Tabir et d'autres, en chauffant les jeunes. Vous êtes les meilleurs dans la djihadia, et vous êtes. Ça ne veut pas dire ça. Jamais de la vie. Ça, c'est comme un exemple, comment est Abou Bakr Siddiq. Déjà fait le jahiliya. Ou bien Othman, Ibn Affan, radiallahu anhu, mais Othman il dit donc, radiallahu anhu, il dit, quand on lui pose la question, pourquoi tu n'as jamais bu, il a dit, pourquoi je vais enlever, donc je vais faire en vérité disparaître ma raison, et lorsqu'elle va me revenir, elle ne va pas me revenir intacte. Maintenant j'ai bu une fois, ça y est, c'est plus possible qu'elle soit intacte. J'ai bu, j'étais sous, hein, celui qui boit, donc il est sous, il a quoi? Donc sa raison est partie, et lorsqu'il dessous, il n'est plus intact. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours une différence entre celui qui a bu une fois et celui qui a bu zéro fois. Celui qui a bu zéro fois, au moins, il sait qu'il n'a pas bu, il se sent bien, mais celui qui a bu une fois, même si après il arrête, j'ai quand même goûté. Donc mais avant de goûter, j'étais mieux. Donc ça ne revient pas intact. Et il voit que le fait d'enlever quelque chose, donc en vérité le fait d'avoir altéré à cette raison, c'est pas possible qu'elle revienne à 100%. Elle a été altérée cette fois-ci. C'est pas possible qu'elle revienne naturellement. Et on le voit bien, ceux qui ont fumé, ceux qui ont goûté de la drogue, ceux qui ont ceci, cela, ils n'auront pas en vérité la même mémorisation, la même ceci, ils auront plus de nerfs, ils auront plus de ceci que celui en vérité qui n'a rien pris. Ça c'est clair. C'est clair qu'en vérité, il ne pourra pas, même s'il a tout arrêté, mais ça ne sera pas intact. Ça ne sera pas intact. Donc rien ne fait le djihadia. Ce sont parmi les meilleurs dans le djihadia. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Vous voyez, ils ont fait peu de choses. Ils avaient déjà des nobles comportements. Si ils ont compris, si en vérité, ils apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le faut. Comme il le faut. Hein? Une minute, hein? Donc je termine juste. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Cette dua qui est ajiba. Et revenir en vérité à l'explication de Sheikh Abdelrazak al-Abbad vis-à-vis de ce. Il a fait un das que pour eux, cette dua. Donc Allahumma inni as'aluka, mon Dieu, je te demande la guidée et la crainte. Et elles sont alliées. La guidée, elle a besoin d'être accompagnée de crainte. Pour que tu sois guidé comme il le faut, il faut que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-afaf wa al-ghina. La fin dans le sens où en vérité je me suffis. Je ne demande pas aux gens. El Rina, et je me suffis. Et là aussi, il y a encore une liaison. Et chez il explique bien. Il y a une liaison en réalité avec le Afaf et le Rina. Donc celui qui veut revenir revient en vérité à la cassette ou à l'audio à l'aide de Sheikh Abdelaziz Abed vis-à-vis de l'explication que de ce hadith-là. Que de ce hadith-là, revenez à son site et vous allez trouver Inch'Allah. Donc on termine là. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.